s'aimera, on s'aimera très fort. Les jours, les mois, ça passera. On s'aimera encore. Plaisir d'amour pour toi, pour moi, ça durera longtemps. Jusqu'au dernier matin, jusqu'au dernier soleil, on s'aimera, on s'aimera pareil. Crois-moi, crois-moi, ça durera. On s'aimera très fort. Les jours, les mois, ça passera. On s'aimera encore. Plaisir d'amour pour toi, pour moi, ça durera longtemps. Je parierai ma vie, mon paradis aussi, qu'on s'aimera longtemps. Crois-moi, on s'aimera, on s'aimera.